السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، exceptionnellement, nous reporterons le cours hebdomadaire, inshallah, à la semaine prochaine. Hier a été contacté le cheikh en Algérie, l'Azhar Snekra, hafidhahullah ta'ala, pour une allocution au sujet de ces crimes dramatiques, barbares, qui ont eu lieu. Et donc le cheikh a répondu à cette demande, hafidhahullah, et je vais entamer, inshallah, la traduction de ces paroles. Bien sûr, avant de commencer, d'autres savants et d'autres cheikhs ont été contactés par des frères, alhamdulillah. En faisant cela, ils appliquent l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de revenir aux gens de science, aux véritables savants qui vont donner les réponses sûres et convenables à ces sujets. Il y a, à ma connaissance, un cher Salih al-Haydan qui a parlé à ce sujet, et tous ont condamné de la manière la plus forte ces agissements qui n'ont rien à voir, dont l'islam en est innocent, même si ces personnes s'avèrent être ceux qui ont commis ces crimes, s'affilient à l'islam ou s'affilient à la salafia. L'islam et la salafia en sont innocents, et ces œuvres ne sont que les œuvres de personnes criminelles qui ne cherchent qu'à effuser le sang et semer le trouble sur terre. Et ces personnes, nous les avons déjà condamnées à maintes reprises avant même qu'ils agissent, car avant leurs actions, ce sont des idéologies, des idées, des paroles, des écrits, et qui ont été condamnés de la manière la plus forte par tous les savants de la sunna, contrairement aux références et aux adhérents aux sectes égarées qui cherchent à semer le trouble et qui cherchent à mettre la communauté en perdition. Cheikh Salih al-Haydan, hafidhahullah, Cheikh Ahmed Soubaya du Koweït, Cheikh Tariq Soubaya aussi du Koweït, hafidhahumallah, Cheikh Badr ibn Muhammad al-Badr, hafidhahullah de Riyad, Cheikh Lazhar, qu'on va, bismillah, entamer la traduction de sa parole, et d'autres, Cheikh Salim Ben Mahrez du Yémen, et d'autres qui ont parlé et dont les audios ont été enregistrés et certains même déjà traduits en français. En condamnant ces actions barbares affiliées à l'islam mensongèrement, ça ne veut pas dire qu'on a une quelconque culpabilité. Non, seulement de clarifier les choses et de démentir les détracteurs et ceux qui veulent à tout prix imputer ces actions aux musulmans ou plus précisément aux salafis. Et ces gens n'ont rien à voir avec la salafie. Ces gens, ils ne reviennent pas aux savants de la salafie. Parmi eux, il y en a qui les considèrent comme des mécréants ou des grands égarés. Ils ne reviennent pas à eux. Et lorsqu'ils citent leur nom par-ci, par-là, ce n'est que pour tromper les gens. Mais en réalité, ils n'en ont affaire de ces savants, car ils ne sont pas pour eux des références. Ces gens, leurs ancêtres, n'ont pas considéré les compagnons comme référence. Subhanallah. Ils ont pris le Coran et ils n'ont pas voulu l'application et la compréhension des compagnons. Mais que dire de leurs disciples et leurs descendants et leurs héritiers d'aujourd'hui? L'audio a été enregistré, l'enregistrement il était faible, hein, il y avait des coupures, donc j'ai fait l'effort que j'ai pu pour pouvoir traduire. Le cheikh en premier lieu est un des mashaykh et des savants d'Algérie. Parmi d'autres savants et chuyur d'Algérie, connus depuis de longues dates et reconnus pour leur droiture et leur suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et sur les traces des pieux prédécesseurs. Parmi ces mashayikh d'Algérie, il y a le cheikh Lazhar Snaqra, hafidhallahu al-jami'a. Il a précisé qu'il aurait aimé que la traduction soit directe, comme il est habitude de faire lorsqu'il y a un cours, conférence, allocution à un public francophone. Bon, ceci n'a pas été possible. Walhamdulillah. Il dit, hafidhahullah, je conseille à mes frères, en ces jours difficiles pour eux, vu ce qui s'est passé comme crime dans ce pays, qui est la France, dans la ville de Paris et ses environs, dont nous nous désavouons de ces auteurs et de leur voie entreprise, de même que leur méthodologie qu'ils suivent. Cette voie égarée qu'il ne faut pas affilier ni rattacher à la religion d'Allah le Très-Haut, car la religion d'Allah est la religion de vérité avec laquelle fut envoyé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Cette religion de l'islam, basée principalement sur la justice et la bienfaisance. Cette religion, l'islam, sur laquelle Allah a dit, pour clarifier son mérite et sa grande place, ainsi que la place de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé avec. Allah dit, Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira, wa la tus'alu an ashabil jahim. Dans la sourate Al-Baqarah, la vache numéro 2, verset 119. Dans le sens du verset, certes, nous t'avons envoyé avec la vérité, en annonciateur et avertisseur, et on ne te demande pas compte des gens de l'enfer. Cette religion avec laquelle fut envoyé notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la guidée, dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Sourate As-Saf, les rangs, c'est la sourate numéro 61, verset 9. Dans le sens du verset, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion. Cette religion, basée sur la justice et le respect des pactes, des engagements, des traités en entier, sans exception, avec les musulmans et les non-musulmans par les mécréants d'autres religions, et encore plus et en premier lieu avec les gens du livre, qui sont les juifs et les chrétiens. Elle préserve la religion de l'islam, la sécurité et la sûreté et les biens et richesses de ceux avec qui il y a pacte, engagement, et ceux qui sont sous la protection des musulmans, qui vivent au sein des musulmans. Donc ceci lorsqu'ils sont en terre d'islam et des musulmans. Ceci, on le retrouve très bien dans l'histoire de l'islam et des musulmans. Combien de témoignages de non-musulmans, de mécréants qui ont côtoyé, vécu en terre d'islam sous l'autorité de l'islam et ses lois, sous des autorités des gouvernants musulmans qui connaissent le degré, la valeur de leur religion, qui connaissent ses lois et qui connaissent ce qui incombe vis-à-vis des musulmans ou des non-musulmans, des mécréants, ceux qui sont sous leur protection ou gérés par des pactes et engagements. Car l'islam a rendu interdit le sang de ces personnes. Ceci ne concerne pas seulement le sang des musulmans, mais aussi de ceux qui sont sous leur protection parmi les mécréants et aussi des autres qui ne nous combattent pas. Puis le cheikh parle de certaines règles dans l'islam concernant les guerres en disant que, en expliquant que le combat a été institué pour combattre ceux qui combattent la communauté musulmane. Et il a cité le verset où Allah dit: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. C'est la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, la vache, verset 190. Dans le sens du verset: combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Donc, s'il y a des personnes qui combattent les musulmans, il faut que ces musulmans aussi les combattent. Et parmi les règles, donc parfois il y a des coupures, comme je vous ai dit, donc j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le mieux traduit possible. Le cheikh explique aussi des règles qu'ont les musulmans lors de guerres et de combats, lorsque cela a lieu. Il y a l'interdiction formelle de s'en prendre aux moines dans leurs monastères, dans leurs églises, aux enfants, femmes, vieux, vieillards, esclaves, qui ne participent pas au combat. Puis le cheikh de nous dire, hafidhahullah, il ne faut pas donner crédit aux groupes déviants, aux sectes déviantes et égarées, comme les khawarij, c'est le nom donné à ces transgresseurs, à ces sectes extrémistes, terroristes, dont leurs ancêtres sont la première secte apparue en islam Al-Khawarij, qu'on appelle aussi les gens qui taxent à tout va les musulmans de mécréance, et autres groupes et tendances déviantes et égarées, même s'ils prétendent s'affilient à l'islam et même s'ils prétendent être sur le djihad, le combat dans le sentier d'Allah, si ce qu'ils prétendent est contraire avec ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam, contraire avec la voie, la méthodologie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on n'en prend pas compte et on ne les affilie pas à l'islam et aux musulmans. Comment ne pas agir ainsi envers ces sectes et groupes déviants alors que notre prophète alayhi salatu wassalam lui-même s'est désavoué d'eux et les a décrits comme étant les chiens de l'enfer, ceux qui tuent les adeptes de l'islam et délaissent les adeptes de l'idolâtrie. Et les massacres qu'ils commettent à l'encontre de musulmans est fait sans aucun droit. Les massacres qu'ils commettent à l'encontre des non-musulmans est fait sans aucun droit. Et le jugement est auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Notre Seigneur, Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé notre prophète comme miséricorde pour les mondes. C'est lui qui a dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, dans son authentique, dans son sahih, donc là, il cite le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui tue une personne qui est en sûreté chez les musulmans, un non-musulman qui est en sécurité chez les musulmans, un mécréant qui vit chez les musulmans, qui est là avec un pacte, un engagement, il est sous la protection des musulmans, celui qui le tue, on l'appelle en arabe al-mu'ahed, celui qui le tue ne sentira pas l'odeur du paradis. Alors que son odeur du paradis se sent, on peut la sentir à une distance de 40 ans. Éloigné du paradis à une distance de 40 ans, on sent déjà l'odeur du paradis. Cette personne, vu le crime qu'il a commis, il ne sentira pas l'odeur du paradis. C'est-à-dire qu'il en sera très éloigné. Et voici donc sa punition à cette personne. Car il a rompu le pacte qu'Allah a ordonné de respecter pour tous les musulmans. Se basant sur cela, nous proclamons et déclarons auprès d'Allah notre innocence et désaveu des actes commis par ces gens-là, comme tuerie, massacre et explosion contre les musulmans en sûreté. Allah et son messager en sont innocents de cette personne. Nous conseillons à nos frères en islam, en tout lieu, et plus précisément en France, de faire preuve de patience sur tout mal qui les toucherait, et qu'ils sachent que c'est une épreuve vécue dans le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le croyant est éprouvé, sera éprouvé, comme l'a dit notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans son hadith, les plus éprouvés parmi les gens, ce sont les meilleurs, c'est-à-dire les prophètes. Ce sont eux qui sont les plus éprouvés dans ce bas monde. Puis, ceux qui sont en dessous d'eux, puis ceux qui sont en dessous de ceux-ci. Et les croyants dans ce bas monde ne cesseront d'être éprouvés. Surtout dans ces jours difficiles où certains parmi les mécréants viendront à nuire, faire du mal aux musulmans pour se venger des morts parmi les leurs. Donc, tout musulman se doit de faire preuve, son devoir est de faire preuve d'intelligence et de bon raisonnement. Et d'être juste dans la réponse au mal. Nous avons conviction en la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Sourate Al-Ma'idah, la table servie, numéro 5, verset 8. Dans le sens du verset, et que la haine que vous avez envers des peuples ou des gens ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, ceci est bien plus proche de la piété. Et nous avons conviction en tant que musulmans en la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa la taziru wa ziratun wizra ukhra. La sourate Al-An'am, les bestiaux, la numéro 6, verset 164. Dans le sens du verset, personne ne portera le fardeau, la responsabilité d'autrui. Puis le cheikh de faire des invocations en disant, nous implorons Allah de nous raffermir et de raffermir nos frères sur la vérité évidente jusqu'à le rencontrer le jour où, puis il a cité le verset coranique, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ne seront d'aucun bénéfice, d'aucune utilité, les richesses et les enfants, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Comme je conseille aussi à mes frères et surtout mes nobles sœurs, honorables sœurs, et nous avons plus de jalousie envers nos sœurs, d'éviter de sortir tant que possible pour éviter un quelconque mal de personnes mauvaises. Je prie Allah de protéger nos frères et nos sœurs de leur mal. De même que je conseille à mes frères de diminuer leurs déplacements ou de rester dans des lieux publics, et plutôt de rester dans les mosquées et demander l'aide d'Allah et l'invoquer afin qu'il nous dissipe ainsi qu'à nos frères ce qui les afflige. Puis le cher de dire, je vais m'arrêter là, sur ces paroles-là, et je prie Allah de nous protéger, ainsi que nos sœurs, contre tout mal et tourment, car c'est lui qui entend et qui exauce les du'as. Et ceci sera peut-être la cause, la raison, pour que ces musulmans qui vivent au sein des mécréants, de réaliser, concrétiser ce qu'Allah a ordonné comme hijra, émigration en terre d'islam. Qu'ils craignent Allah, qu'ils fassent, accomplissent la hijra et laissent ces contrées, ces terres à ses habitants. Car Allah leur a interdit de résider en leur sein. Et la science appartient à Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka. Ici s'arrête l'allocution de Cheikh Lazhar, Hafidhahullah Ta'ala. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka an ibn Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi Rabbil Alameen.